Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque, amis fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bonjour, bonsoir, selon les endroits où vous êtes. L'indicateur vous l'a bien renseigné. L'émission, c'est Mosaïque, votre mission préférée. Aujourd'hui, nous allons débattre sur les commémorations et la gestion des mémoires plurielles sur le passé douloureux du Burundi. Dans notre pays, le mois d'avril est un mois de commémoration par excellence. Tenez bien, pour ne citer que quelques dates, le 6 avril, les Burundais commémorent la disparition du président Cyprien Ntaryamira. Le 29 avril, certains Burundais commémorent les tueries de 1972. Le même 29 avril, les membres de la famille royale commémorent l'assassinat du dernier monarque burundais. Le 30 avril, certains Burundais commémorent l'assassinat des séminaristes au petit séminaire de Bouta. Vous l'aurez senti, j'insiste tellement sur le mot « certain ». Oui, bien sûr, parce que c'est un constat amer. Les Burundais commémorent les événements de façon séparée, un indicateur d'un passé ou d'une histoire d'une société divisée. Les Burundais devraient-ils rester dans cet état de choses ou devraient-ils franchir le pas vers une commémoration collective, signe d'une nation unie, compatissante, afin de construire une mémoire collective? Et pour débattre de ce sujet, la radio Isanganiro a invité M. Aloïs Batungwanayo. Il est président de l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux à Mepesi Girubundu. Il est aussi doctorat à l'Université de Lausanne en Suisse et ses recherches sont centrées sur les mémoires plurielles. Et bonjour et bienvenue M. Batungwanayo. Bonjour M. Silver et bonjour à tout le monde qui nous écoute et je vous remercie pour m'avoir invité. J'espère que je n'ai pas exagéré sur votre profil. Non, c'est ça. Vous avez exactement dit ce qu'il faut. Ok, merci beaucoup. Le deuxième invité s'appelle l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana, à côté d'être le représentant du peuple. Il s'intéresse aux questions liées à la mémoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Est-ce que vous bonjour avez... aussi aux auditeurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez ajouté par rapport à votre profil que je viens de dire? Bon, pas beaucoup, mais je suis aussi psychologue clinicien. Merci. Le troisième invité s'appelle Terence Mouchano. Il est de l'association AC Génocide et Chirimbosso. Est-ce que je devais ajouter quelque chose, monsieur? C'est exactement ça. Je suis ici au nom de l'association AC Génocide et Chirimbosso. Vous avez bien entendu ces deux organisations des victimes qui sont invitées ici au studio avec un député. Et je crois que nous avons de bons invités aujourd'hui pour débattre de cette question. Les questions à traiter, les sous-questions par rapport au thème général, nous sommes sur le thème de commémoration. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la commémoration lorsqu'il faut l'entendre dans son ensemble? Mais pourquoi commémorer est-il nécessaire ou la commémoration comporte des risques d'activation des rancœurs? Et quand faut-il commémorer? Où faut-il commémorer? Comment le faire afin de construire une mémoire collective dans une nation réconciliée? Chers auditeurs, vous êtes aussi invités à contribuer dans ce débat. La tribune est la vôtre. Votre point de vue est aussi important. Vous allez appeler sur le 22 25 43 75 22 24 66 02. Je répète, 22 25 43 75 22 24 66 02. À l'animation, Silver Takarutimana. Jean de Dionde Isenga est à la mise en onde. La radio Isanganiro vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Voilà, nous lançons le débat avec une question tout à fait générale. Je commence par M. Batungwanayo. Je sais que vous êtes en train de faire des recherches sur les mémoires plurielles. En même temps, je l'avais dit lorsque je disais à propos de votre profil, qu'est-ce qu'il faut entendre par commémoration? Bon, c'est un mot qui devient un peu plus populaire aujourd'hui avec le mois d'avril, mais est-ce que nous saisissons vraiment le sens de ce qu'on appelle la commémoration ? Commémoration, c'est quoi ? D'abord, commémoration, c'est un mot français, mais c'est un mot aujourd'hui qui ne colle pas avec le contexte si on regarde ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Commémorer, ça vient d'abord de com, ça veut dire ensemble, et mémoire, c'est se souvenir. Normalement, c'est se souvenir ensemble. Aujourd'hui, et pourquoi je dis que c'est un mot qui ne colle pas avec le passé, plutôt avec le contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on voit des commémorations, bien sûr, ensemble, parce que ce n'est pas une personne qui commémore, mais c'est un groupe de personnes qui se met ensemble pour commémorer. Mais on le voit très bien que sur un seul événement ou une date, il y a deux sortes de commémorations, si vous voulez même, j'allais dire, de commémorations parallèles. Pourquoi je dis ça parallèle? C'est parce que, si je donne l'exemple du 29 avril, il y a d'un côté les Tutsis qui affirment qu'il y a eu un génocide. Et là, ils se souviennent du génocide commis contre les Tutsis. Il y a des Hutus qui se souviennent aussi d'un autre génocide préparé et commis par les Tutsis contre les Hutus. Mais également, il y a la troisième catégorie de la famille royale aussi, qui commémore l'assassinat de l'ex-roi et dernier roi, Nale V. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le contexte actuel, c'est un contexte où il y a une commémoration, mais une commémoration parallèle, si vous voulez même, une commémoration conflictuelle. J'ai cité le cas du 29 avril, mais également il y a le 30 avril pour Wuta. Là aussi, il y a une certaine division, mais je ne vais pas entrer dedans si vous voulez, on peut en discuter. Mais c'était juste pour montrer que le contexte actuel montre qu'il y a une sorte de commémoration parallèle, conflictuelle, qui est issu en fait de la transmission de la mémoire collective d'une part des Hutus, des Tutsis et de la lignée royale, mais aussi avec une odeur politique. Merci beaucoup. Pour bien comprendre la commémoration, j'ai saisi dans votre propos que c'est une façon de faire la mémoire ensemble. Mais le constat, c'est que maintenant, ce n'est pas le cas. Bon, est-ce que c'est la même avis pour l'honorable Célestin Ndikoumane ? Évidemment, c'est la même avis et c'est vraiment regrettable parce que, évidemment, la mémoire devrait être là pour rassembler les gens autour des douleurs qu'un peuple a eues dans le passé. Donc, c'est des moments ou des situations, des périodes douloureuses. On devrait se rencontrer justement pour se penser mutuellement les blessures du passé. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est vraiment déplorable parce que il y a une certaine manipulation, comme le disait Aloïse aussi. On sent une certaine odeur politique, on sent une certaine odeur des divisions interethniques qu'on espérait avoir au moins traversées. Donc, pour vous, vous craignez une commémoration qui risque d'attiser les tensions, qui risque de faire un repli identitaire par rapport à des ethnies ? Évidemment, évidemment. Comme tu l'as dit, c'est clair. Justement, il y a ce risque-là, ce risque de réveiller les anciens démons, les anciens démons, de renforcer encore une fois les différences interethniques ou les conflits même liés à ça. Parce que s'il faut que les gens commémorent de façon isolée et de façon conflictuelle, ça a quand même une connotation négative. Parce que la mémoire devrait participer plutôt à la guérison. À la guérison, j'allais dire, des mémoires morbides. À la guérison des traumatismes du passé. Ok. Lorsqu'on parlait de mémoire morbide, qu'est-ce que vous voulez bien dire? Parce qu'il me semble que c'est un terme qui n'est pas aussi facile à saisir. Bon, je vais dire les blessures que les gens ont gardées dans leur mémoire. Ah, d'accord. Et là, la commémoration devrait être là pour justement faire face à ces blessures, pour penser ces blessures, pour lutter contre le négationnisme. Parce qu'il y en a qui semblent négliger les événements du passé, qui semblent négliger ce qui s'est passé. Et par voie de conséquence, ça blesse davantage et ça traumatise les survivants. Et la mémoire, normalement, devrait être là pour amener ou ramener le respect des morts et la dignité des morts. Et ces morts qui ont été, d'une façon ou d'une autre, considérés par les bourreaux comme les gens qui ne sont pas des humains. À voir la façon dont ces morts-là sont passés, sont entrepassés, c'est vraiment un signe de la déshumanisation. Il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui... Bon, on ne peut pas vraiment tout dire, mais ce qu'il faut reconnaître, évidemment, On va peut-être y entrer dans les détails, mais la parole, je voudrais la donner à M. Mouchano Terrence. Vous êtes le représentant de AC Génocide et Chilimosso. C'est une organisation des victimes. Je crois qu'elle est née en quelle année, votre organisation? En 1997. Ah, c'est-à-dire qu'elle est née dans le sillage des événements de 93, si je peux comprendre. C'est juste après le début du génocide de 1993 qui a suivi d'autres génocides. Allez, vous avez déjà franchi le pas de qualifier les événements comme un génocide. Ah bon, c'est quand bien même on n'a pas de compétences. Ah, voilà, de la voilà. Qualification. On voudrait s'entendre sur ce point-là, de qualification, parce que l'émission n'a pas l'objectif de qualifier les événements pour le moment, mais nous sommes en train de discuter sur les commémorations aujourd'hui. Mais la question que je pose de façon directe, est-ce que vous entendez de la même façon que les autres invités le mot commémoration? Le mot commémoration au niveau de la génocide, d'une façon positive, on la considère comme un souvenir des victimes qui ont été assassinées massivement, des massacres massifs, qui ont été tuées, assassinées par leurs bourreaux d'une façon systématique pour leur état d'étini. C'était des victimes qui ont été au Burundi, ce n'est pas ailleurs, ils peuvent être victimes à autre chose, mais ils ont été tués, ne fût-ce que pour ceux qui les ont été nés. Ok, les auditeurs, vous aurez déjà compris qu'en faisant le tour du mot commémoration, c'est un concept qui est bien saisi, je crois, à base des interventions de nos invités. À tout à l'heure, un petit repos, à tout à l'heure, on entame la deuxième partie de l'émission. Mosaïque. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons entamer notre étape. Alors, pourquoi, M. Batongwanaye, pourquoi devrions-nous commémorer? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça ne comporte pas un risque de rancœur dans une société aussi divisée que la nôtre? Le risque est déjà là, mais la commémoration, c'est normalement une obligation. C'est une obligation qui est dictée par la volonté du plus jamais ça. Lorsque on commémore, c'est donner la dignité ou bien redonner même la dignité aux gens qui ont été lâchement assassinés pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont nés, mais on veut leur redonner la dignité humaine. La dignité humaine, parce que lorsque on a massacré un groupe de gens, une catégorie de personnes, on les a massacrés en disant que ces gens ne sont plus des êtres humains. On a vu ici au Burundi, il y a eu beaucoup de qualificatifs, Abamenja, Inzoka, Ivinwa Maraso, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on commémore, lorsqu'on se souvient de ces personnes-là qui ont été lâchement assassinées, c'est une façon de dire Vous, vous avez été assassiné, non pas parce que vous êtes des animaux, mais vous êtes des hommes. Nous sommes vos descendants. Et c'est aussi une façon de donner la dignité aux ayants droit, aux familles des victimes. Donc, ce souvenir, c'est une obligation pour l'espèce humaine, mais c'est aussi de pérenniser l'identité humaine, mais aussi de garder la mémoire pour que ça puisse servir de l'avenir, en commençant bien entendu par le présent, pour qu'on puisse finalement dire ce qui s'est passé, c'est ça, en Kirundi, on dit Ucha. Donc, lorsque tu passes dans un endroit que tu ne connais pas, c'est facile que tu puisses avoir un accident ou un incident malheureux parce que tu ne connais pas l'endroit. Mais lorsque tu connais l'endroit, c'est-à-dire que tu vas prendre, tu seras sur tes gardes pour ne pas retomber dans la même histoire. Et malheureusement, au Burundi, on aime voir que l'histoire du Burundi, malheureusement, se répète. Okay. À tout à l'heure, vous parliez d'une obligation. Une obligation. Eh bien, lorsqu'on entend le mot obligation, on sent qu'il y a une sorte de pousse-pousse, une sorte de pression là-dessus. Est-ce que c'est une pression légale ou c'est une pression morale par rapport à la commémoration? C'est une pression d'abord ethnographique, ethnologique, sociale, mais également, à un certain moment, moral, de temps en temps, illégal. Illégal parce qu'on a vu, surtout dans notre pays, le Burundi, où l'acte de commémoration était interdit. Pourquoi aujourd'hui on voit des gens qui commémorent les événements malheureux de 1972 ou 65? Pourquoi aujourd'hui on voit des gens qui organisent les fêtes de levée de deuil pour les leurs qu'ils ont perdu il y a 40 ans, 45 ans? C'est parce qu'il y a eu normalement un état d'illégalité pour la commémoration. Mais la commémoration n'est pas que officielle. Les gens commémorent même... C'était illégal ou c'était politiquement interdit? Ben, le fait que l'administration avait interdit, c'est-à-dire qu'il y avait une décision qui rendait illégal. Parce que il faut comprendre... Dans vos recherches, vous avez quelque part où c'est écrit une sorte de disposition qui interdisait les levées de deuil, les commémorations de façon publique par rapport à des événements de passé. Bien entendu. On a des témoignages des gens de l'administration de l'époque. On a des témoignages des victimes qui se voyaient même obligées de retirer tout ce qui pouvait représenter la victime, parce que la victime n'était pas victime, mais c'était plutôt considéré par les pouvoirs publics comme un bourreau. Donc il ne fallait pas pleurer, vous entendez bien, il ne fallait pas pleurer pour un bourreau. Et là, pleurer pour un bourreau, c'est une façon d'être, avec ce bourreau. Donc, pour se désolidariser avec ce bourreau, il ne fallait pas organiser ces rituels de deuil, de levée de deuil. Donc, c'était une interdiction qui rendait illégale la commémoration, mais la commémoration est restée légitime, ce qui est différent. Ok. Commémoration légitime, mais interdit politiquement, apparemment, ça devient une sorte de contradiction par rapport à des volontés populaires. Bon, Monsieur Célestin, vous êtes député, est-ce que cette interdiction dont il parle est une interdiction tout à fait connue ou ce sont des spéculations de Monsieur Aloïse Batongwanaï? Bon, évidemment, dans les années, surtout les années 72, on interdisait les gens de pleurer, on interdisait les gens de faire la deuil, etc., etc. Mais moi, je donne ça un sens beaucoup plus psychologique de la part des bourreaux. Parce que, évidemment, quand on tend à éviter quelque chose, c'est qu'on s'acquise quelque chose encore. Et évidemment, même ceux qui sont traumatisés, ils ont tendance à éviter de rencontrer des éléments qui leur rappellent ce qu'ils ont vécu. Alors, quand les bourreaux voyaient ou quand ils s'imaginaient que les victimes ou les survivants pouvaient faire, par exemple, la deuil, c'était pour eux une façon de remouer le couteau dans les plaies. Et quelle plaie ? Évidemment, c'était la culpabilité même des bourreaux. Parce qu'ils voyaient, bon, si les gens comprennent ou vivent réellement ce que nous sommes en train de leur infliger comme la souffrance, ça va encore une fois retourner contre nous. Bon, c'est un sens de psychologie en tant que psychologue. Quelle est la conséquence d'une victimisation à double quoi? J'allais dire d'une façon double, on a été victimisé, on te refuse de faire le deuil. Et quel est l'impact sur la vie de la société? Évidemment, c'est la pérennisation de la souffrance. C'est la pérennisation de la souffrance parce que le deuil aide les gens à traverser les événements vécus. Ça aide les gens à renouer avec la vie, à s'approprier de l'histoire, à accepter ce qu'ils ont vécu. Alors, si vous interdisez cela à la population, vous la traumatisez davantage. Et c'est renforcer le négationnisme. Et le négationnisme a pour conséquence, bien évidemment, c'est toujours renforcer cette souffrance-là. C'est traumatiser davantage cette population-là qui est victime. Ok, merci beaucoup. Monsieur Mouchano, les autres intervenants ont parlé longtemps sur l'interdiction du deuil, une victimisation, encore une fois, de la victime. Est-ce que ça a été le cas pour les victimes que vous représentez? En principe, je commence par le principe, nous nous acquittons du devoir de mémoire des victimes. Parce que ce sont des êtres qui nous sont chers, qui nous étaient chers. Et pour leurs parents, pour les êtres humains qui respectent le droit à la vie, on doit commémorer ces morts pour préserver la vie de ceux qui sont encore en vie. La question précise que vous me posez, si on aurait été victime de l'interdiction de commémorer. En 2000, quand l'association AC Génocide de Chirimoso venait de déposer en gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu, en mémoire des victimes de 1972, c'était le 29 avril, la police, qui était la gendarmerie d'alors, a arrêté ceux qui ont participé à cette commémoration. Ils ont même mis dans le cachot. Donc, ce qui était pour les Hutus de 1972, l'ont été aussi pour les victimes Tutsis de 1972. Même aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que pour autant parler d'une commémoration pour ne plus jamais ça aujourd'hui, où on assiste encore des assassinats, pour sans trop avancer, il faut que l'assassinat des gens innocentes s'arrête immédiatement aujourd'hui, sinon les commémorations vont trouver, se rencontrent, se heurtent à une obstruction indirecte, même légale. Parce que, après votre travail de la commission Vérité et Réconciliation, vous devrez mettre sur pied la loi. Le Parlement, le gouvernement devrait avancer un projet de loi au Parlement pour que ces actes héroïques, humains, soient consacrés, soient posés sans aucune entrave. Je vais compléter, M. Mouchano, la question que vous avez posée. Peut-être il a oublié. En 2013, on était dans ces studios même de la radio Isanganiro et je suis désolé, je vais citer la fonction de la personne. C'était l'assistant du ministre de l'Intérieur. Il a dit à Mouchano, après une émission, il a dit... Après, c'était en dehors du micro. Voilà. En dehors du micro. Oui. Il a dit, si nous étions là, votre association n'aurait pas été agréée. Pourquoi il le disait? Je crois que vous avez directement bondi sur la question pour lui poser une autre question de savoir pourquoi. Mais justement, il a dit, la loi dit qu'on ne peut pas agréer une association qui milite pour les droits d'une seule ethnie ou qui est composée par une seule ethnie. Et nous, nous l'avons dit. Est-ce qu'au moment où les gens ont été tués... Mais c'est une mauvaise appréciation à ce génocide et n'est pas seulement composé par une seule ethnie. Ça était par exemple... On peut même donner un exemple des Hutus qui ont caché les Tutsis. Et de toi aussi. Bon, parce que c'est une organisation qui représente les composants de la société burundaise. Et très logiquement, il devrait y avoir des Tutsis, des Hutus et des toi. Et probablement même d'autres identités. Il y a des toi qui ont sauvé les Tutsis aussi. Qui ont sauvé les Hutus. Qui sont membres de votre organisation. Écoutez, mon cher ami. La première question, la première démarche, ce sont les premières victimes qui prennent le devant. Voilà, c'est ce que je disais. D'autres suivent aussi. Oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous allons entamer la deuxième partie. Je vois que l'honorable Célestin Dikoumana voudrait parler. La parole vous sera donnée juste dans la troisième partie. Voilà, je rappelle que nous sommes dans l'émission Mosaïque, nous sommes en train de parler des commémorations et le traitement des mémoires plurielles sur le passé douloureux du Burundi. Les invités, c'est M. Aloïse Batungwanayo, il est représentant de l'association AMEPESI. Nous sommes en plus avec Pierre-Célestin Ndikoumana, il est député, il siège à l'Assemblée nationale. Nous sommes encore une fois avec Terence Mouchano, qui est représentant de AC Génocide, une organisation des victimes. La tribune est aussi ouverte aux appels, aux auditeurs qui veulent appeler pour contribuer à cette émission. Je rappelle le numéro, c'est le 22 25 43 75. 22 24 66 02. Avant qu'on accueille le premier auditeur qui va appeler, Pierre-Célestin Dikoumana, vous êtes député. Vous avez voulu parler à tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pour compléter les autres auditeurs sur le sujet qui était en discussion. Ah oui, c'était justement ça. Je voulais justement réagir par rapport au regret de l'assistant là, de l'époque qui regrettait d'avoir permis le... Bon, qui regrettait que s'il était là, il n'allait pas permettre l'agrément de l'organisation. C'est justement cela, hein, une démonstration de l'aspect du négationnisme. Parce qu'il y a des faits qui sont là, qui sont têtus. Il y a des événements que les Burundais ont vécu et on ne peut pas vraiment échapper à ça parce que c'est un passé. Et un passé qu'il faut accepter, quel qu'il soit... S'il est douloureux, il est là. C'est un passé que nous avons tous vécu. Mais ce que j'allais dire en plus de ça, il faut vraiment que les gens aient une bonne compréhension de ce que c'est commémorer. Normalement, on devrait partir avec l'idée de résoudre un problème commun qui hante les gens. Mmh. Et quel est ce problème commun? C'est ce passé douloureux qu'il faut accepter, qu'il ne faut pas vraiment essayer d'échapper parce que c'est un passé, c'est notre passé. Aujourd'hui, on voit les gens, ils vont à la commémoration comme s'ils vont dans une bataille à gagner. C'est pas ça. La réconciliation, normalement, devrait participer plutôt à la mise en commun des gens à affronter ensemble un passé douloureux en vue d'une réconciliation. C'est ça, en fait, l'objectif de la commémoration. Okay. Selon vous, si j'ai bien compris, il faut assumer notre passé pour construire notre pays, un pays réconcilié. Je crois que la technique me fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Qui êtes-vous, monsieur? C'est Francis. Francis, vous êtes de Bujumbura, de Gitega, d'Ngozi. Francis Rohero de Bujumbura, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez bien entendu, nous sommes en train de débattre sur un sujet en vogue aujourd'hui, sur les commémorations et la gestion des mémoires plurielles sur le passé douloureux du Burundi. Vous avez à dire là-dessus, monsieur? Bon, bien sûr que j'ai appelé parce que j'ai à dire. D'abord, j'ai écouté les intervenants, ce qui me plaît, peut-être ils ne divergent pas tellement. Et j'essaie de m'imaginer, la commémoration, comme tout le monde, est un devoir de mémoire. On ne doit pas oublier, ce qui s'est passé nous concerne. Mmh. Mais c'est devenu chez nous comme si la commémoration était une guerre. Mmh. C'est devenu une arme pour certaines personnes. Oui. Et à toutes les époques, les commémorations sont comme une volonté de vouloir une suite voulue par rapport aux restants. Les gens qui sont morts, ils sont morts tués. Ce sont des Hutus et des Tutsis. Et chez nous, tuer est un délit très grave. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont mortes ont droit à une justice. Et les personnes qui sont victimes, qui sont restées, ce sont des Hutus et des Tutsis. Ils ont un droit de mémoire. Ils ont le droit de se rappeler de ce qui s'est passé et surtout de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et chez nous, j'ai l'impression qu'à chaque époque, les pouvoirs font ce qu'on appelle une commémoration d'intimidation. C'est comme s'ils ne veulent pas que les autres revendiquent. Vous parlez des pouvoirs qui font... Il faut qu'on se comprenne. J'y reviens. À chaque époque, c'est-à-dire que les pouvoirs, en réalité, que ce soit des Hutus, des Tutsis ou de n'importe qui, les gens qui sont au pouvoir, mais partout, regardez avec l'esclavage, quand est-ce qu'on a accepté que les gens puissent commémorer? C'est parce que les pouvoirs ne voulaient pas que les esclaves, les descendants d'esclaves commémorent à chaque époque. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir, à chaque époque, même en 72, en 80, en 90, les gens qui sont au pouvoir n'aiment pas que l'autre revendique. C'est ce que moi je peux appeler une commémoration d'intimidation. Ils ne veulent pas. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir, la plupart des fois, font ce qu'on appelle des commémorations hypocrites. Ils commémorent comme si eux, ils n'ont jamais fait de mal. Pardon, Francis, vous parlez de deux choses importantes. Vous avez parlé des pouvoirs et puis vous parlez encore une fois d'un pouvoir hypocrite qui fait des commémorations hypocrites. Non, je ne parle pas de pouvoir hypocrite, s'il vous plaît. Je parle des commémorants. Qui sont les hypocrites. Les gens, être au pouvoir ou ne pas être au pouvoir, c'est un fait qui peut se passer aujourd'hui ou demain. Vous pouvez être au pouvoir aujourd'hui ou ne pas y être demain. Alors, lorsque vous parlez de commémoration hypocrite, vous voulez dire qu'il y a des commémorants qui vont au lieu de commémoration sans être dans l'âme vraiment du commémorant. Ce n'est pas cela, messieurs. C'est-à-dire que chez nous, les gens se sont entretués. Il y a aujourd'hui des victimes qui arrivent à un moment donné à être bourreaux. Nous avons perdu des gens, des Burundais, des Hutus et des Tutsis. Et aujourd'hui, quand on commémore, il y a les Hutus qui commémorent de leur côté, il y a les Tutsis qui commémorent de leur côté. Oui. Personne n'est saint parmi les gens qui commémorent. Mmh. Parce que les gens qui sont morts ne se sont pas suicidés. Mmh. Et c'est comme si quand on commémore, d'abord, j'y reviens dans un terme d'ethnie, Quand Hutu commémore, c'est comme s'ils ont envie uniquement, au lieu de commémorer, mais d'accuser les Tutsis. Mmh, et les Tutsis en commémorant, au lieu de penser à leur mort, c'est comme s'ils accusaient les Hutus. Mmh. Et ça devient une affaire, une guerre entre les deux. Et à chaque époque, selon ceux qui ont le pouvoir, que ce soit un pouvoir, ici on est en train de parler, moi j'ai aujourd'hui cette estime de m'exprimer sur cette radio, mais il y a des gens qui ont perdu, qui ne peuvent pas s'exprimer, c'est-à-dire que j'ai un pouvoir. Je peux parler de mon mort, mais les autres ne le peuvent pas. C'est-à-dire que c'est quand même un pouvoir. Oui. Et ça peut être aussi un autre pouvoir politique, un pouvoir historique, quelqu'un qui a la capacité d'écrire, mais et les autres qui ne peuvent pas écrire. Ça peut être n'importe... Quand vous avez une avance sur les autres, sur quelque chose que vous maîtrisez, ça devient un pouvoir. Et vous pouvez manipuler. Et c'est là où j'ai dit que celui qui a un pouvoir, il a ce qu'on appelle une commémoration d'intimidation. Il veut dire que moi, je peux parler de ce que je veux, moi, je peux dire ce que je veux et je peux accuser, mais les autres ne le peuvent pas. Et ceux qui, des fois, ne le peuvent pas, ils font ce qu'on appelle une commémoration hypocrite. Ils commémorent, mais en se disant, on n'était pas là, on n'a pas fait ceci, on nous trompe, ainsi de suite. Alors, pour vous, pardon Francis, est-ce que pour vous, le constat d'aujourd'hui, est-ce que c'est une commémoration qui va tout droit vers la réconciliation ou c'est une commémoration qui risque de diviser la société burundaise? C'est là où je me dis qu'on devrait être désolés ensemble. Les Burundais qui sont morts sont des Burundais. Ils ont été tués par leurs frères. On devrait penser, moi je ne peux pas commémorer la personne que j'ai perdue si je peux faire la même chose à une autre personne. Je n'ai pas le droit de commémorer si j'inflige aux autres la même chose que ce qui m'a été infligé. Je n'aurais pas le droit de commémorer. Qui viendrait à mes funérailles? Merci, monsieur Francis. Merci pour laisser le temps aux autres auditeurs parce que le temps est limité pour cette émission. Et je voudrais vous remercier de votre intervention. Je crois que les auditeurs ont déjà entendu votre intervention. Je crois qu'on va y revenir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne en ligne? S'il vous plaît, revenons sur les propos de Francis. Il a parlé d'un concept pour moi qui est important et qui doit être compris de façon explicite parce que ça risque de semer un tout petit peu la confusion, le pouvoir. Une question de domination. Et commémore celui qui peut dominer les autres. Est-ce que c'est votre constat, M. Mouchano? Il a totalement raison. Les pouvoirs publics favorisent les leurs. Quand bien même il y a, ce que M. Rastin le disait, il y a le négationnisme de leurs actes, il y a la banalisation des morts. Francis Rohero évoquait ce que devrait la situation de commémoration devrait être aussi une preuve de justice. Comme Célestin l'a dit aussi, la population burundaise, les pouvoirs, les institutions politiques devraient assumer ce qui s'est passé au Burundi avec eux, avant eux ou après et pendant. Les institutions doivent aider le peuple burundais à sortir de l'impasse. Est-ce que, lorsque vous parlez des institutions, les institutions sont représentées et sont incarnées par des hommes? Il y en a qui disaient qu'un pouvoir, je le lisais tantôt, quelque part dans un livre, que les pouvoirs qui ne veulent pas des commémorations sont aussi traumatisés. Les pouvoirs qui ne veulent pas de commémoration s'acquisent. Si on est clean, si on est blanc, si on ne se reproche de rien, vous aidez le peuple à sortir de l'impasse. Je pense que le Burundi devrait, d'ailleurs avec les accords d'Arusha, devrait y avoir ce qu'on a dit vetting. Excusez-moi, je vais vous redonner la parole. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur... Je suis monsieur François-Xavier Saïman. Ah, ok. Le nom n'est pas étranger. Vous êtes de quel collectif, je crois, des victimes? Je suis le coordonnateur national et le représentant légal du collectif des survivants et victimes du génocide contre les Hutus de 1972 qui a été commis ici au Burundi. Ok, vous avez entendu, nous sommes en train de travailler sur les commémorations et la gestion des mémoires plurielles et sur le passé douloureux. Certainement que vous avez à dire comme représentant de votre collectif. Non seulement j'ai à dire, mais d'abord je regrette mon absence dans cette émission, surtout qu'il y a à peine une semaine que nous avons commémoré le 45e anniversaire du dit génocide qui a emporté les nôtres. J'aurais bien voulu être parmi les parmi les invités des victimes que vous avez invitées. Bon, en fait, le studio n'est pas aussi vaste pour accueillir tout le monde, mais quand même, vous avez une tribune pour pouvoir dire ce que vous voulez dire. Oui, merci. Cependant, vous avez eu à parler sur le cas 72. Oui. Parler sur le cas 72 alors qu'il y a une organisation qui est là, qui parle pour les victimes. Il aurait été préférable pour respecter l'équilibre informationnel que notre ONG soit représentée. Ceci étant, moi je voudrais simplement m'exprimer sur le sujet pour y aller rapidement. C'est que j'ai bien compris les contributions des et des autres parmi vos invités, même les intervenants. En les écoutant, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres que commémorer est un devoir. Oui. Pour moi, peu importe ce qu'ils font, ça reste un devoir. Alors, un devoir au sein de notre collectif qui nous a été privé pendant plusieurs années, puisque quand nous avons perdu les nôtres, le pouvoir qui était en place, comme je viens de le dire, Mouchano, s'acquisait et nous a empêchés de pleurer, nous a empêchés de faire le lever de deuil et nous a empêchés également de commémorer les nôtres. Alors, monsieur François-Xavier Sabimana, vous avez dit que vous êtes un collectif des victimes et des rescapés du génocide et vous avez insisté sur le mot Hutu de 72. Et lorsque vous faites des commémorations, est-ce que vous vous rappelez aussi des Tutsis qui sont morts? La commémoration des nôtres, c'est le devoir de nous souvenir. Des Hutus seulement. Des nôtres qui ont été génocidés au cours de cette année, mais cela ne nous empêche pas de savoir qu'il y a également d'autres Burundais qui ont été emportés par les tristes événements qui ont jalonné au cours de l'histoire notre pays. Il me semble qu'il y a une guerre autour des dates par rapport à des victimes. Et 72, il y a une partie de tous qui disent nous avons été victimes d'un génocide. Et il y a des Hutus qui disent en 72, nous avons été victimes du génocide qui est perpétré par des Tutsis. Est-ce que cette guerre d'identification par rapport à la date, est-ce que ça ne cause pas un préjudice pour le Burundi? Dire que ça cause un préjudice pour le Burundi, c'est passager. D'autant plus que la vérité finira par être trouvée, d'autant plus que les Tutsis, une dizaine de Tutsis qui ont été massacrés au sud le 29 avril avaient été sacrifiés par le régime de Micombero pour avoir là où il peut s'appuyer afin de génocider les Hutus, d'autant plus que le commando des opérations, M. Soumaïlo, était un milléliste, un maïmaï milléliste, à la sorte du régime de Micombero, afin d'avoir l'alibi pour génocider les nôtres à travers tout le pays. Donc, le régime de Micombero a voulu sacrifier ces quelques Tutsis afin de génocider les Hutus à travers tout le pays. Donc, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé au nôtre, mais le massacre de ces Tutsis-là au sud a constitué l'alibi de Micombero pour génocider tout un peuple Hutu dans notre pays. Merci. Nous avons déjà saisi votre intervention, le contenu de votre intervention. Et je crois que dans votre intervention, vous donnez beaucoup de détails qui sont peut-être intéressants à la Commission Vérité et Réconciliation et qui, dans ses missions, doit enquêter sur ce qui s'est passé dans ces années-là. J'appelle encore une fois aux auditeurs aux auditeurs, juste pour leur rappeler le numéro 22 25 43 75 22 24 66 02. Retournons un tout petit peu en attendant notre auditeur au studio. Vous avez entendu nos deux auditeurs qui ont appelé. Et ils reviennent vraiment sur le sujet, la profondeur du contenu de leur propos. Vous l'avez déjà entendu. Et est-ce que si on fait des commémorations comme ça se fait aujourd'hui, ça ne porte pas de préjudice par rapport à la société burundaise, Aloïse Batongwanaï? Bien entendu, ça porte préjudice, mais pour moi, j'encourage les gens qui osent aujourd'hui organiser les commémorations. Parce que pendant très longtemps, les commémorations n'avaient pas droit de citer au Burundi. À un certain moment, il a parlé de Micombero. On a dit que les pouvoirs favorisent les leurs, mais pas du tout. Les Tutsis n'ont pas commémoré sous le régime Micombero, si je ne me trompe pas. J'étais très petit, mais j'ai pas encore lu là où on a organisé la commémoration pour les Tutsis massacrés à Bururi et à Makamba. Non plus sous le régime Bagaza, je n'ai pas entendu la commémoration organisée pour se souvenir des victimes Tutsis. Peut-être que les commémorations se faisaient non pas en public, mais en famille. Non, il y avait ce qu'on disait, c'était on avait mis devant l'oubli. L'oubli, pourquoi? Parce que Bagaza, à un certain moment, le successeur de Micombero, a interdit les Burundais de parler des Hutus et des Tutsis. Tout simplement pour inhiber ce problème qui a eu lieu entre les Hutus et les Tutsis, parce qu'on ne peut pas le cacher. Ça a été un problème entre les Hutus et les Tutsis. Ce sont les Hutus et les Tutsis qui se sont entretués. Bien entendu, il y a eu d'autres victimes. Vous parlez de Bagaza. C'est dommage qu'il est déjà parti, nous a quittés. Il aurait dû peut-être prendre la parole. Il devait peut-être prendre la parole pour non pas se justifier, mais nous dire les raisons pourquoi il aurait interdit de faire la mémoire des victimes. Excusez-moi, Aloïse, j'aimerais poser la même question à M. Célestin. Est-ce que c'est pas un préjudice pour le Burundi? Bien sûr. S'il faut que les gens considèrent les commémorations comme une bataille à gagner, comme je l'ai dit, ça doit nécessairement porter préjudice au peuple burundais, parce que le peuple burundais a besoin de se réconcilier et a besoin d'assumer son histoire et de s'approprier de son histoire. Mais le problème majeur qui est là est évidemment que les victimes d'une période X de 72, par exemple, sont malheureusement devenues des bourreaux pour une autre période et vice-versa. Vous avez des bourreaux qui sont devenus des victimes et des victimes qui sont devenues des bourreaux pour des périodes différentes. C'est ça qui va causer aussi des problèmes au niveau des commémorations. Ouais. D'où ce sectarisme, j'allais dire aussi sectarisme dans les commémorations. D'où ce combat, cette guerre et cette odeur politique où chacun veut s'affirmer ou du moins veut faire croire à l'opinion qu'il a été le seul à avoir souffert. Ouais. Et ça, c'est un mal. C'est un problème. Merci beaucoup. L'émission Mosaïque, nous sommes à 5 minutes de sa fin. J'aimerais qu'on aborde une autre question pour voir comment faire les commémorations de telle manière qu'on puisse construire une mémoire collective afin d'avoir une nation réconciliée. Je pose la question à Mouchano. Comment devrait-il s'organiser les commémorations de façon à construire la nation burundaise avec une mémoire collective que nous partageons avec tout le monde? Avec une mémoire collective. Et vous avez une minute. Je m'inspire sur le thème dans le livre écrit par Nicolas Mayougui. Nicolas Mayougui, c'est quelqu'un qui fut président du parti. Prenait professeur. Oui. C'est la mémoire vigilante. Elle intertinique et résistante. Ah, c'était un philosophe, celui-là. Mais c'était une question de vision d'un homme visionnaire. Okay. Il y a aussi ce qui doit être objectif. L'objectivité scientifique oblige. De faire comment? De faire la commémoration, l'objectivité scientifique et l'honnêteté intellectuelle qui s'impose pour ne pas manipuler la commémoration. Pour que la commémoration ne soit pas manipulée politiquement, ni ethniquement, mais que ce soit de manière nationale, mais toujours, date par date, 1965 à Busangana et à Bukeyo, on se souvient de ceux qui ont été tués. En 1972, ce n'est pas seulement une dizaine d'hommes. Sous prétexte, je ne devrais pas devenir, revenir sur ce débat stérile. Je voudrais que ça soit fructueux. Donc, le débat sur ce qui s'est passé au sud, ce qui s'est passé au centre, ce qui s'est passé à l'ouest du pays doit être nous inspirer pour qu'on quitte de cet chemin de entretuer. Et j'ai posé bêtement une question claire. Comment le faire? Comment le faire? Il doit y avoir un dialogue national. Dialogue national, ça il c'est faut, un point. Deuxième point. Deuxième point, il doit y avoir une conscience collective. Que tuer massivement des gens, et même un individu, que non seulement c'est un sacrilège, mais que c'est un crime ignoble. Monsieur Célestin Ndikoumana, vous êtes député, mais comment construire cette conscience collective dont il parle? Comment construire la conscience collective? C'est d'abord de partir de l'idée de résoudre un problème commun. Évidemment, tous ceux qui font ces commémorations, tous ceux qui organisent les commémorations, comme je l'ai dit, je le répète, devraient avoir en tête qu'il est question de combattre un problème commun, c'est-à-dire un passé douloureux. Comme vous l'avez aussi posé comme question, comment faire? Là, je vais y revenir, bien sûr. Il faut vraiment que les gens comprennent d'abord que la commémoration ou la mémoire participe à la guérison. Et là, je vais parler comme un psychologue, parce que nous avons une société traumatisée. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des recherches qui ont été faites et qui démontrent justement cette problématique pour notre société. Et on a besoin de guérir cette société. Et quand on essaie de guérir la mémoire morbide, on cherche bien sûr à refléter la réalité, l'effectivité, les émotions, le langage des événements vécus. Et les gens, quand ils font, semblent d'éviter ça. Quand il marche vers le négationnisme, c'est une démonstration claire, et pure et simple, qu'il s'agit d'une société à mal à l'aise. Merci. La même question est posée à M. Batungwanaye. Nous sommes en train de courir avec le temps. Batungwanaye, comment faire pour construire une mémoire collective afin d'en voir une nation réconciliée? La première chose, c'est d'éviter l'instrumentalisation des victimes. L'instrumentalisation, je précise, instrumentalisation politique. Il faut que les victimes évitent d'être instrumentalisées politiquement. Parce qu'aujourd'hui, on observe une instrumentalisation politique de la mémoire, malheureusement, de la part des Tutsis, des Bahutu et des Baganwa, et ainsi de suite, des Batois aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la légifération sur la question de la mémoire. On demande aux législateurs burundais de se pencher sur la question de la mémoire et de pouvoir légiférer que la mémoire, le droit à la mémoire, le devoir de mémoire soit régi par des textes légaux, si vous voulez, même un référendum, ça j'exagère, mais une loi, mais aussi les pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics laissent les gens commémorer. Il faut qu'il laisse les gens commémorer parce qu'on commence par la commémoration individuelle. Merci, monsieur Aloïse. Le temps qui est imparti à cette émission est déjà consommé. Je devrais dire à nos auditeurs que les invités, laissés sur. Les auditeurs sont restés sur leur soif par rapport à ce qu'on devrait faire, mais on devrait retenir que vous voulez et vous recommandez qu'il y ait une légifération sur le droit à la mémoire, qu'il faut éviter la manipulation politique des victimes, qu'il faut résoudre le problème en prenant une conscience collective, qu'il faut absolument que la mémoire participe à la guérison et qu'il faudrait rechercher à refléter les événements du passé afin de construire la mémoire collective du Burundi. C'est sur ces mots que je voudrais clôturer cette émission en remerciant nos invités. Monsieur Aloïse Batungwanaye, merci d'être venu. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci Monsieur Mouchanon d'être venu. Je vous remercie. Je demande au Burundi de ne plus banaliser le crime. Merci, Monsieur Célestin Ndikoumana d'être venu. Merci beaucoup. À l'animation, c'était Sylvain Nakarotimana. pour l'émission Mosaïque et à la mise en onde, c'était Jean de Dieu Ndaïsenga. À la prochaine, chers auditeurs, la radio Isanganiro vous tend toujours la main pour votre contribution. Au revoir. Mosaïque.